Bonjour Tiphaine, demain c'est à Manu Farine que vous passerez le relais pour la Compagnie des Poètes et nous aujourd'hui nous achevons avec ce dernier épisode notre série consacrée à Émile Zola. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Émile Zola, c'est à la fois une vie privée mouvementée et anxieuse, un homme en proie à des accès de dépression sévères et hanté par la disparition de son père alors qu'il était un jeune enfant. C'est aussi une vie publique d'engagement, une volonté de changer le monde social. C'est enfin et surtout une œuvre immense de littérature, celle d'un écrivain dont les derniers romans témoignent d'un intérêt certain pour la religion, les superstitions, le besoin de miracles, bref, un Zola plus inattendu pour les lecteurs des Rougon-Macquart. Nous avons choisi cette semaine quatre axes pour tenter de saisir Zola, ce qui est très peu comparé à l'immensité du continent qu'il représente et que son biographe Henri Mitran a tenté de résumer dans les 3000 pages de ses trois tomes de biographie, 3000 pages au cours desquelles il s'est senti malgré tout à l'étroit, comme il nous le disait lundi dernier. Mardi, nous nous sommes demandé avec Émilie Piton-Foucault ce que signifiait pour Zola la description du réel. Elle nous a aussi expliqué pourquoi l'écrivain était peut-être un grand avant-gardiste formel et même, pourquoi pas, un grand peintre abstrait. Enfin, mercredi, nous avons relu la vie de Foucault à l'aune de la sociologie. Nous étions pour ce faire avec Frédéric Giraud. Et aujourd'hui ? Je ne suis pas un archéologue qui dissèque les monuments. Je ne suis qu'un artiste. Je regarde et j'observe pour créer, non pour copier. Ce qui m'importe, ce n'est pas l'exactitude pédante des détails, c'est l'impression synthétique. Eh bien aujourd'hui, pour parler du courant naturaliste d'abord, puis en seconde partie de cette émission du rôle de Zola dans l'affaire Dreyfus, nous sommes avec Alain Pagès, professeur émérite à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du mouvement naturaliste et sur l'engagement de Zola dans l'affaire Dreyfus. Citons Une journée dans l'affaire Dreyfus, publié aux éditions Perrin, republié même en 2011, ou encore le petit volume Que sais-je des presses universitaires de France intitulé Le naturalisme, publié en 2001. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des Auteurs. J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement, la honte et la mort. C'est la morale en action, simplement. L'Assommoir est à coup sûr le plus chaste de mes livres. Souvent, j'ai dû toucher à des plaies autrement épouvantables. La forme seule a effaré. On s'est fâché contre les mots. Mon crime est d'avoir eu la langue du peuple. Personne n'a entrevu que ma volonté était de faire un travail purement philologique, que je crois d'un vif intérêt historique et social. Je ne me défends pas, d'ailleurs. Mon œuvre me défendra. C'est une œuvre de vérité. Le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Extrait de la préface à la seconde édition de Thérèse Raquin, lu ici par Guillaume Gallienne. Bonjour Alain Pagès. Un roman qui ne ment pas, qui a la langue du peuple et l'odeur du peuple. L'odeur du peuple, c'est une expression qui sans doute n'est pas très bien passé. Est-ce qu'on a pu voir du mépris dans, je ne sais pas si c'est cette expression en particulier, mais en tous les cas dans le regard que Zola portait à l'époque sur la classe ouvrière? Alors là, c'est une préface qui est celle de l'Assommoir. Elle paraît en janvier 1877 après une polémique terrible, car le roman a été évidemment traité de roman pornographique par la critique conservatrice. Et Zola se défend assez bien en disant qu'il est un observateur et qu'il a tenté une expérience linguistique, au fond, c'est-à-dire donner la parole à ce peuple, non seulement parler comme il parle, c'est-à-dire en employant en particulier les mots d'argot, mais aussi, et c'est peut-être la grande beauté de l'Assommoir, ce qui fait la force force de ce roman aujourd'hui encore, faire que certains chapitres soient comme portés par une voix collective qui exprime ce quartier de la Goutte d'Or mmh. où Gervaise vit. D'accord, Gervaise, c'est la Semoire et c'est pas Thérèse Raquin, voilà. Comme je le disais, par erreur, sur cette question de la réception par le peuple, entre guillemets, les ouvriers de Zola, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a eu une gêne, un malentendu entre eux? Alors, d'une certaine façon, oui, on peut dire, la critique conservatrice applaudit à cette représentation du peuple victime de l'alcoolisme. C'est donc le message de l'Assommoir. Zola, lui, se veut scrupuleusement respectueux de la sociologie de l'époque, qui montre que l'alcoolisme est un fléau terrible, au fond comparable à la drogue aujourd'hui dans certains quartiers. J'ai envie de dire qu'il va rectifier cette perspective, il en est conscient, avec le deuxième volet de son grand diptyque populaire, ce sera Germinal, en 1885, où cette fois-ci, assez curieusement d'ailleurs, les ouvriers n'ont pas vraiment la parole, mais c'est la lutte elle-même qui est représentée, cette sourde révolte qui gronde dans le fondement de la terre et puis qui va surgir à la surface. Ça c'est Germinal qui contrebalance d'une certaine façon l'Assommoir et qui va se terminer par des paroles d'espoir annonçant un monde futur, un monde de révolution future. Donc il a été sensible aux critiques. Aujourd'hui, on le considère quand même comme un écrivain plutôt du côté du peuple. Tout à fait, oui, c'est sans doute ce que aussi le mouvement naturaliste dans son ensemble a voulu porter comme expression, c'est-à-dire, c'est cela le naturalisme, traiter tous les sujets. Alors on a quelquefois limité le naturalisme à l'idée de la représentation du peuple ou des filles, puisque c'est aussi souvent le roman de la prostitution. Dans cette volonté de traiter tous les sujets, il y a donc le peuple, et c'est la raison pour laquelle, très souvent, on retient de l'œuvre de Zola les grands romans du peuple, L'Assommoir, Germinal ou La Terre. Mais il est évident, et les émissions qui viennent de se dérouler l'ont montré, que l'œuvre de Zola est complexe, qu'elle a justement abordé tous les thèmes, et qu'elle est fondamentalement poétique. Alors parlons justement du naturalisme, mouvement dont le cœur est le rapport à la science. Et on pourrait presque dire que si Zola est le père du naturalisme, il y a un autre père au naturalisme qui est le médecin Claude Bernard. Parce que c'est aussi en lisant Claude Bernard que Zola a développé, me semble-t-il, la théorie du naturalisme, Alain Pagès. Oui, cette idée que le romancier est un médecin, c'est une idée qui séduit Zola, qui séduit d'ailleurs aussi les Goncourt, enfin ceux qui l'entourent, ceux avec qui il dialogue de ces questions, car ce qu'il exprime dans les journaux, sa critique littéraire, elle est aussi le fruit de conversations avec Flaubert, avec les Goncourt ou avec ses amis, et donc cette métaphore ou cette comparaison entre le romancier et le médecin, elle va surgir dans un texte théorique que je crois très important, qui est le roman expérimental que Zola publie en 1879, où il montre finalement que le roman est comme une expérience. Alors, cela ne veut pas dire que tout est donné. Si justement le roman est une expérience, cela veut dire qu'il part de contraintes. Les milieux sociaux, la question de l'histoire, et puis ensuite que l'expérience, au fond, va se dérouler, y compris dans l'imaginaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience dont la personne qui expérimente tiendrait toutes les ficelles? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une expérience littéraire à partir du moment où, quand on est écrivain, on décide de la destinée des personnages, on ne leur fait pas subir réellement d'expérience? Non, bien sûr, mais Zola en est parfaitement conscient. Encore une fois, c'est une comparaison, c'est un guide pour la pensée, l'idée de l'expérience. Ce à quoi Zola tient, ce à quoi tiennent aussi ses contemporains qui l'accompagnent dans ce mouvement naturaliste, c'est cette idée qu'il faut poser des règles, des contraintes, que, au fond, le mécanisme scientifique, c'est une façon de penser le réel. Par exemple, le fameux arbre généalogique, construit sur les principes de l'hérédité, permet à Zola de construire, branche après branche, le cycle des Rougon-Macquart. Donc voilà, on part de ces contraintes, mais ensuite, la liberté de l'imaginaire, le fait de puiser dans des mythes anciens, par exemple, évidemment, elle est totale. Et d'ailleurs, le naturalisme suit des voies différentes selon les tempéraments, selon les écrivains, selon les volontés de représenter. Alors, on a parlé de Claude Bernard. Il y a un peu de Claude Bernard dans le personnage du docteur Pascal. Je vous propose d'écouter un extrait de ce livre. C'est donc le dernier des Rougon-Macquart. D'abord, ce fut l'arbre généalogique des Rougon-Macquart qui lui montra. Il ne le serrait pas d'ordinaire dans l'armoire. Il le gardait dans le secrétaire de sa chambre, où il l'avait pris en allant chercher les candélabres. Depuis plus de 20 années, il le tenait au courant, inscrivant les naissances et les morts, les mariages, les faits de famille importants, distribuant en notes brèves les cas, d'après sa théorie de l'hérédité. C'était une grande feuille de papier jaunie aux plis coupés par l'usure, sur laquelle s'élevait, dessiné d'un trait fort, un arbre symbolique, dont les branches étalées, subdivisées, alignaient 5 rangées de larges feuilles. Et chaque feuille portait un nom, contenait d'une écriture fine une biographie, un cas héréditaire. Une joie de savant s'était emparée du docteur devant cette œuvre de 20 années où se trouvaient appliquées si nettement et si complètement les lois de l'hérédité fixées par lui. « Regarde donc, fillette, tu en sais assez long. Tu as recopié assez de mes manuscrits pour comprendre. » La compagnie des auteurs est cet extrait du docteur Pascal de Zola. À quoi vous fait penser cet extrait, Alain Pagès ? Oh, à beaucoup de choses. C'est vrai que ce fameux arbre généalogique, j'en parlais justement avant que vous ne diffusiez cet extrait, il est fondamental. Il est donc la structure interne de ce cycle qui commence d'abord par un projet de 10 romans et qui va finalement aboutir à 20 romans. Je crois qu'il y a aussi dans ce geste de Pascal qui montre l'arbre à Clotilde, l'idée de l'enseignement, l'idée peut-être que à partir de cette peinture extrêmement noire qui est celle des Rougon-Macquart, un optimisme est possible et que la vie au fond est ce qui va surgir finalement. Alors l'optimisme, c'est aussi l'optimisme du médecin qui peut soigner, et on a parfois l'impression que dans la démarche naturaliste de Zola, vous allez me dire si ça vous semble juste, il y a une volonté aussi thérapeutique pour la société tout entière. Est-ce qu'il y a une volonté d'agir sur la société, de la transformer pour le meilleur, selon vous, Alain Pagès ? Il y a de toute évidence une volonté sociologique. Zola, très tôt, a dit que, effectivement, le roman naturaliste, en construisant un tableau de la société, s'adressait non seulement au public pour l'avertir, pour le mettre en garde, mais aussi aux hommes politiques pour leur montrer les conflits sociaux et les problèmes qui se posaient. Il a eu une formule dont on s'est moqué, dont ses contemporains se sont moqués, la République sera naturaliste ou ne sera pas. Cela veut dire simplement que cette République encore incertaine, dans laquelle il se trouve après la grande défaite de 1870, eh bien elle doit avancer selon une méthode aussi rigoureuse que possible, suivant une pensée scientifique qui doit l'éclairer. Donc voilà de quelle façon Zola se présente comme une sorte de sociologue dont il sociologue du monde, dont il livre les procès-verbaux à la société qui l'entoure. Alors on lui a reproché un petit peu d'avoir été aveuglé par le scientisme de ne finalement pas avoir tout à fait saisi ce qu'était la complexité du vivant, de la vie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi on peut comprendre cette critique-là et comment on peut y répondre aussi, Alain Pagès ? Oui, je crois que c'est une critique. Effectivement, Zola est un positiviste, il appartient parfaitement à ce courant qui est celui de toute son époque, qui croit au progrès. Donc de ce point de vue-là, il ne sera jamais dans la défaite de la pensée, mais la complexité des Rougon-Macquart d'une part, le fait que à côté des romans sur la classe ouvrière, on trouve des romans sur, au fond, toutes les couches de la société. Prenons simplement un exemple. Entre L'Assommoir, qui paraît en 1877, et Nana, qui paraît en 1880, Zola glisse une page d'amour qui n'a rien à voir. Alors que Nana est la fille de Gervaise. Voilà, Nana est la fille de Gervaise. Nana est la suite de L'Assommoir. Donc, entre les deux romans du peuple, il y a cette scène de la bourgeoisie, qui se déroule d'ailleurs dans le quartier où nous sommes ici, le quartier de Passy, qui s'appelle Une page d'amour. Donc Zola joue sur les contrastes, n'a jamais voulu de manière continue répéter le même roman, a d'une façon vraiment convaincue voulu sans cesse explorer de nouveaux domaines. Donc je crois que c'est la meilleure réponse que l'on puisse faire à cette critique. Et puis l'autre réponse, mais je crois que vous l'avez évoqué au cours des émissions qui précèdent, c'est qu'après les Rougon-Macquart vient cette sorte de grande réflexion à la fois politique et philosophique que Zola mène cette fois-ci sur le monde contemporain et non pas sur le Second Empire, en écrivant d'abord Les Trois Villes et puis ces romans qui explorent le futur, qui se déroulent jusqu'à la fin du XXe siècle, que sont les évangiles, les trois évangiles, puisqu'il n'aura jamais écrit le quatrième. Est-ce qu'on peut parler de matérialisme concernant Zola ? Oui, sans aucun doute, Zola est un matérialiste, est un déterministe. Encore une fois, ce sont les lois auxquelles il croit et qui le guident. Mais ensuite, la matière romanesque fait éclater tous ces cadres. Matérialisme, rapport à l'argent, rapport au marché, l'esthétique naturaliste fait une grande place à ces questions-là, et notamment à la place de l'argent, Alain Pagès. L'argent, c'est le grand thème souterrain. D'ailleurs, le titre d'un voilà, des romans. Rougon-Macquart, c'est évidemment le titre d'un des romans. Je crois que vous avez d'ailleurs consacré une émission à l'argent au cours de cet été. Effectivement, Zola est l'historien de la société de son époque. C'est ainsi qu'il faut le présenter, avec le personnage de Saccard. Il fait d'abord l'histoire de la spéculation immobilière, c'est la curée, et puis ensuite, il aura cette force qui consistera à parler de la bourse d'une manière d'ailleurs assez complexe. Les historiens d'aujourd'hui reconnaissent que la façon dont Zola a représenté la bourse dans l'argent est tout à fait exacte, et c'est toute la question de la crise financière qui est au cœur de ces deux grands romans, en tout cas la curée et l'argent. Germinal commencerait en 1866. Et Étienne aurait 20 ans, daté dans le premier chapitre. Étienne ressemble à sa mère, puis à son père. Je prends le père. Il est donc joli homme, assez petit, brun, avec une figure correcte, un nez droit, un menton rond, un galant sourire sur des dents blanches. Bien rablé, fort sous sa menue apparence. Un provençal avec ça, un peu noir de peau. Les cheveux demi-courts et frisant naturellement. Avec cela, quelque chose de détraqué dans le regard. Un vacillement par moments qui pâlit l'œil noir. Et alors, une légère crispation nerveuse qui augmentera plus tard. Influence de la mère, douceur, courage au travail, timidité. Qui tournera son hérédité d'ivrognerie en folie homicide. Laissez deviner ainsi d'un bout à l'autre l'inconnu qui s'exaspère en lui. Le côté physiologique doit être nettement établi dès les premiers chapitres. Il faut aussi parler de Gervaise, de la mère, de Coupeau, de Lantier, des inquiétudes d'Étienne renvoyé, qui ne pourra plus donner des pièces de 100 sous. Tout l'assommoir résumé au fond de la mine. La compagnie des auteurs avec cette lecture par Jean Bollery d'une fiche rédigée par Zola sur le personnage de Étienne Lantier. Avec cette fiche, Alain Pagès, on rentre vraiment dans la fabrique du roman naturaliste. Est-ce que c'est une technique aussi, le naturalisme en littérature, ou une série de techniques ? Oui, cette fiche est très belle. Je reviens sur la formule que l'on vient d'entendre, tout l'assommoir résumé au fond de la mine. On voit bien que Zola réfléchit au lien entre ses romans. Il passe de l'assommoir à Germinal. J'ajoute encore un commentaire, mais je crois que vous l'avez évoqué aussi au cours des émissions précédentes. Dans le Étienne que cette fiche décrit, il y a celui qui devint devrait devenir le meurtrier. Or, ce meurtrier n'existera pas, puisque Étienne restera à jamais le révolutionnaire de Germinal. Et c'est un frère surgit au dernier moment, qui s'appellera Jacques, qui sera le meurtrier de la bête humaine. Donc on voit comment, et ça répond peut-être à des questions que vous posiez à l'instant, comment les fiches sont effectivement des préparations au roman, mais comment le roman est capable, quand l'intrigue est là et quand véritablement la cohérence imaginaire surgit, comment le roman est capable de faire éclater les fiches. Voilà une belle démonstration, à la fois, je crois, de la règle telle qu'elle est nécessaire et en même temps de la façon dont le romancier peut s'écarter de la règle. Et bien, au fond, voilà, c'est la réponse à cette question que vous posez. Oui, Zola, à ses contemporains, à ses amis notamment du groupe des soirées de Médan, pouvait montrer cet exemple du dossier préparatoire, de ces fiches extraordinaires. Il procédait par fiches, par plans successifs, avant de se lancer dans l'écriture, et c'était ça, sa grande leçon, au fond, travailler méthodiquement. Il a toujours dit que le naturalisme était une méthode, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, une voie que chacun ensuite pouvait emprunter selon son propre tempérament. Est-ce que c'est une nouveauté de travailler de cette manière-là, qui serait proprement zolienne et qui ensuite aurait essaimé parmi les autres membres de cette école naturaliste dont on va raconter la constitution avec vous, ou est-ce que ça vous semble au contraire quelque chose d'assez classique déjà à l'époque pour les écrivains ? Sans aucun doute, c'est une nouveauté. D'autres écrivains travaillent évidemment à partir de fiches, à partir de documents, mais ce que Zola a deviné, et d'ailleurs il le devine au moment des Rougon-Macquart, il ne l'a pas compris dans ses premiers romans, c'est que ces dossiers préparatoires étaient absolument essentiels. Ces dossiers, il ne les déchire pas. Une fois que les romans sont écrits, il les conserve et il a fait ce geste, enfin c'est sa femme qui l'a fait, de léguer à la Bibliothèque nationale ces dossiers préparatoires, de telle sorte qu'aujourd'hui on peut les lire. Et j'ajoute même, pour ceux qui nous écoutent, qu'on peut les lire aujourd'hui sur Gallica. L'écriture de Zola est d'ailleurs parfaitement lisible et ces ébauches, ces fiches, elles sont là à la disposition de tous et chacun peut aujourd'hui refaire. C'est ça qui est merveilleux. On peut réécrire alors tous les romans des Rougon-Macquart. Oui, non, mais refaire en tout cas le parcours à la fois scientifique et imaginaire qui est celui de Zola. Là c'est sa grande originalité, ce dossier qui est le prélude à l'écriture du roman. Ensuite, le roman va assez vite. Bien sûr, il y a des corrections. Zola passe toujours par le feuilleton pour écrire la version définitive. Mais le fondement, c'est cet empilement de documents qui passe par l'ébauche. Ce moment extraordinaire où Zola imagine le roman qu'il va écrire, les fiches des personnages, ce qu'on vient d'entendre, et puis les plans successifs. Il y a jusqu'à 3 plans successifs. Est-ce qu'il y a aussi, comme on l'imagine à la lecture par exemple du Ventre de Paris, de longues heures passées sur le terrain qui va ensuite devenir le cadre, le décor du roman, en l'occurrence les Halles Baltard pour le Ventre de Paris? Bien sûr, il y a cela, et on l'a souvent répété, Zola montant sur une locomotive pour écrire la bête humaine, descendant au fond de la mine pour Germinal, et pour les Halles du Ventre de Paris que vous évoquez, effectivement, on dit, enfin c'est une anecdote qui est rapportée par Paul Alexis, qu'il a grimpé sur les toits des Halles pour observer de plus près ces fameuses Halles. Alors Paul Alexis, membre du groupe naturaliste, il faut justement parler maintenant et élargir la focale à ces autres écrivains. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Alain Pagès, la genèse de ce qui a été, il faut bien le dire, une bataille, la bataille naturaliste ? Oui, la genèse, elle est simple. Hein. Ces écrivains ne se connaissaient pas. Ils se rencontrent autour de la publication de l'Assommoir en 1876-1877. Ils s'appellent, ils sont jeunes, ils n'ont pas encore beaucoup écrit. Donc c'est Zola le plus âgé. Voilà, alors. C'est Zola. Il a simplement 10 ans de plus qu'eux. Ces écrivains dont je parle, dont je vais citer les noms, qui sont ceux des Soirées de Médan, sont nés vers 1850. Lui, Zola, est né en 1840. Alors il s'appelle Huysmans, il s'appelle Séard, Hennig, il y aura bien sûr Maupassant, et puis Paul Alexis que l'on vient de citer. Et ils se retrouvent à la fin de l'année 76, au début de l'année 77. Ils adorent cet Assommoir qui paraît dans une revue d'ailleurs littéraire qui s'appelle La République des Lettres. Ce sont ces réunions dans des bistrots de Montmartre qui vont peu à peu constituer un esprit d'équipe qui va aboutir aboutir à un repas célèbre que l'on cite souvent, le dîner trappe d'avril 1877, où ces jeunes écrivains rendent hommage non seulement à Zola, mais aussi à Goncourt, Edmond Goncourt, et à Flaubert. Et c'est voilà, cela, l'école naturaliste, je dirais d'un point de vue sociologique, du point de vue de l'histoire du fait littéraire, ce groupement d'écrivains qui décide d'aller vers la littérature en unissant leurs forces et en affirmant cette modernité dont ils sentent que c'est l'essentiel au fond de l'Assommoir. Alors des gens comme Flaubert, comme les Goncourt, qui sont donc célébrés au cours de ce dîner de 77 par la jeune garde. Que pensent-ils du naturalisme? Sont-ils tentés de rejoindre d'une certaine manière ce mouvement qui est du coup le mouvement de la jeunesse ou porté par la jeunesse? Je dirais la fois oui et non. Flaubert, évidemment, qui est lié, enfin on le sait, à Maupassant, dont il considère que c'est son fils spirituel, est heureux de voir ce mouvement de jeunes qui surgit. Il aura d'ailleurs la joie de lire Boule de Suif, la nouvelle de Maupassant dans les soirées de Médan juste avant de mourir. Donc il est porté par ce groupe d'écrivains qui lui rend hommage. Tous sont des disciples de Flaubert, Zola et les autres, mais en même temps, lui, effectivement, il bougonne. Enfin, il trouve que ce terme de naturalisme a quelque chose d'inepte. Lui, il est contre la théorie. Et il ne comprend pas que Zola veuille asséner dans les journaux, par la critique littéraire qu'il donne, ce mot de naturalisme. Quant à Edmond Goncourt, qui survit après la mort de son frère en 1870, il est quand même un théoricien lui aussi à sa façon, et il a laissé dans les préfaces de ses romans des réflexions très importantes, justement sur ce nouveau réalisme qu'il essaie de construire lui aussi. Alors, le groupe de Médan, c'est du nom de cette maison de Zola, qui est sa maison de campagne. Si on a le temps, on dira un mot sur cette maison à la fin de l'émission, parce que c'est un endroit assez étonnant. Et c'est aussi ce qui donne le nom à ce recueil de nouvelles, les soirées de Médan, et qui sont finalement presque un manifeste aussi du groupe naturaliste. On peut dire que là, on est dans l'acmé de la cohésion de ce groupe et de leur visibilité aussi sur la scène littéraire française et peut-être même au-delà des frontières de la France. Oui, moi je crois que vous avez raison en prononçant ce mot d'acmé. On est en avril 1880, c'est la grande période du naturalisme. Il y a eu l'Assommoir en 77, il y a dans cette année-là 80 Nana qui paraît, et ce recueil qui rassemble donc autour de Zola les cinq jeunes écrivains constitue comme une sorte de manifeste. Alors de manifeste par le texte même, car il n'y a pratiquement pas de préface, juste quelques lignes qui ont été rédigées d'ailleurs par Henri Séard et qui disent que ces écrivains veulent simplement affirmer leurs amitiés. Tout de même contre la critique de l'époque qui critique justement le naturalisme. Voilà, contre la critique de l'époque. Ils s'attendent à des réactions négatives, ce qui va se produire d'ailleurs. Leurs nouvelles aussi sont relativement scandaleuses. Il faut bien comprendre que ces écrivains, je pense aux cinq de Médan, avaient 20 ans. En 1870, Séard, une belle formule, il dit qu'ils sont les enfants de la défaite. C'est-à-dire qu'ils avaient 20 ans au moment de la grande catastrophe de la défaite et puis même de la deuxième catastrophe qui a suivi au fond, qui était celle de la Commune. Et ils sont animés par ce noir pessimisme qui apparaît dans les nouvelles, qui sont des nouvelles sur la guerre, mais sur la défaite, sur l'absurdité du combat et de la chose militaire. Alors comment va évoluer et se disloquer finalement ce groupe de Médan qui durera, ce groupe naturaliste qui durera tout de même une dizaine d'années, c'est ça Alain Pagès? Oui, voilà, il va évoluer en se disloquant progressivement, les amitiés fortes s'atténue peu à peu. Certains suivront des voies qui leur sont propres. Huysmans, par exemple, au moment d'À rebours en 1884, ouvre une nouvelle voie. Je dirais que ces amitiés, en même temps, resteront toujours dans la mémoire de ceux qui viendront après, qui survivront. Ce qui me frappe, moi, c'est cette nostalgie qui anime les anciens de Médan quand ils parlent de cette époque extraordinaire d'unité, d'harmonie. Et puis, on peut considérer, au fond, que d'une certaine façon, Quand Goncourt lance son grenier d'Auteuil en 1885, quand ensuite il fonde le projet de l'Académie, il y a comme une poursuite. Le groupe des cinq de Médan deviendra les dix de l'Académie, on multiplie par deux le chiffre, et on retrouvera tous ces écrivains au XXe siècle, dans les débuts de l'Académie Goncourt, Séard, Hennig et Huysmans, en sont les premiers membres. Et puis de la bataille naturaliste, il faut dire aussi que Zola se lancera dans une autre bataille une dizaine d'années plus tard, celle de l'engagement dans l'affaire Dreyfus dont nous allons parler dans la seconde partie de cette émission, juste après la chronique de Pierre Glaude. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Pierre Glaude, professeur à l'université Paris 4, vous faites partie de ce groupe, non pas de Médan, mais de grands lecteurs et de lectrices de la compagnie des auteurs qui viennent donner librement chaque jeudi leur regard sur notre thème de la semaine. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes un peu aujourd'hui dans une perspective à rebours, pour reprendre un titre de Huysmans, par rapport à notre émission naturaliste, puisque vous avez envie de nous parler d'un Zola qui serait d'abord un auteur romantique. Oui, en même temps, il ne s'agit pas de nier, bien entendu, que Zola soit naturaliste. Hein, mais je voudrais simplement nuancer cette idée que ses convictions, sa méthode, son univers romanesque sont anti-romantiques. Bien sûr, la dette de Zola est immense à l'égard des théories scientifiques de son temps, qui l'éloignent de l'épistémologie romantique. Hein, la physiologie, l'évolutionnisme, ce qu'on appelle le darwinisme social, avec l'idée de struggle for life, ou encore Pour la vie. Voilà, hein, la science expérimentale que vous évoquiez tout à l'heure à propos de Claude Bernard. Et de même, il ne s'agit pas de nier les efforts de Zola pour faire du roman une étude, ou encore, comme on le dit parfois, une tranche de vie. C'est-à-dire pour, au fond, briser la plupart des ressorts du romanesque traditionnel, parce qu'il juge qu'ils sont d'un idéalisme faux. Et l'exemple de l'amour, de ce point de vue, est extrêmement éclairant, puisque on ne peut pas dire, franchement, que l'amour soit un grand sentiment chez Zola. Plutôt, le sexe est plutôt présent, davantage que l'amour. Il me semble, en effet. L'amour, en tout cas, il voit un appétit naturalisé. Il le réduit, comme vous le disiez, à l'assouvissement sexuel. Et il en montre d'ailleurs les aspects surtout brutaux et désenchantés. Par rapport à l'enchantement de l'amour romantique, il montre l'amour sous un jour assez désenchanté. Mais, et c'est là la nuance que je voulais apporter, il me semble que subsiste chez Zola un tempérament qui résiste à la science, au fond. Une sorte de refoulé romantique, si vous voulez, qui fait retour et qui creuse un écart entre, comme l'a dit très bien Henri Mitran, le naturalisme théorique, sa théorie, et sa pratique d'écrivain naturaliste. Et pourquoi avoir refoulé, d'après vous, alors, ce romantisme chez lui? Parce que je crois que c'est un homme à l'écoute de son temps et que le temps est au positivisme, le temps est au scientisme et que le romantisme s'est d'une certaine manière abattardi en un ensemble de clichés que Flaubert lui aussi a en horreur et qu'il retourne bien volontiers dans ses propres romans. Mais néanmoins, il me semble qu'il y a différentes raisons qu'on peut invoquer pour souligner, nuancer en tout cas, ce naturalisme. Comme par exemple. Alors, il me semble d'abord le pessimisme qui domine quand même les Rougon-Macquart s'écarte, me semble-t-il, de l'objectivité scientifique. Lorsque Zola aperçoit en l'homme, comme l'avait bien montré Deleuze, une fêlure originelle, hein, lorsqu'il a l'intuition de sa part obscure eh bien, il glisse, c'est une idée d'ailleurs assez commune, hein, communément partagée par la critique, il glisse dans le mythe, dans la mythologie. Et la littérature devient souvent, pour lui, une façon de réécrire des mythes archaïques, de les actualiser, de les moderniser. Hein, le péché originel a sa traduction, au fond, dans l'implacable hérédité, surtout quand elle est une tare, comme c'est le cas dans la famille dont il étudie le devenir, ou encore l'hubris d'un désir aveugle, ou encore l'inceste, hein, dont on sait qu'il est à l'horizon de la curée. Mais plus généralement, les forces de vie et de mort qui traversent la nature et la société, dans l'œuvre de Zola, me semblent prendre la forme de puissances terrifiantes, anonymes, qui nous reconduisent au fond à un imaginaire, qui nous ramène aussi, qui renoue un lien avec Hugo ou Chateaubriand. Alors pour terminer, c'est donc un lyrique impénitent que vous voyez en Zola, Pierre Claude. Oui, Henri Mitran le disait au début de la semaine, il a été poète, il a écrit des vers, et il me semble qu'il y a chez lui une énergie, un souffle lyrique qui apparaît très bien dans ce qu'il dit de Flaubert, justement, lorsque il évoque l'éducation sentimentale. Il me semble que le portrait qu'il fait de Flaubert est un autoportrait. Et si je vous permettez, je voudrais lire ce court passage de sa recension. Il est, par tempérament, attiré vers les cieux agrandis de la poésie. Et il reste à terre. Sa raison d'homme, sa volonté d'analyse exacte l'attache à l'étude des infiniment petits. C'est un titan plein d'haleines énormes qui raconte les mœurs d'une fourmilière en faisant des efforts pour ne pas céder à l'envie de souffler des chants héroïques dans sa grande trompette de bronze. Un poète changé en naturaliste, Homère, devenu Cuvier. Un poète changé en naturaliste. Merci beaucoup Pierre, à très bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture au dernier jour d'une série consacrée à Émile Zola. Nous sommes avec Alain Pagès pour évoquer à présent l'affaire Dreyfus. J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général Boisdreyf et le général Gonse de s'être rendu complice du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureau de la guerre, l'arche sainte, inattaquable. J'accuse le général de Payeux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les 3 experts en écriture, les sieurs Bellhomme, Varinard et Coire, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue ou du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et dans l'Écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Alain Pagès, on retrouverait presque le côté scientiste de Zola dans ce J'accuse, quand il cherche finalement à donner une explication aux divers manquements et trahisons de chacun des acteurs de cette sombre affaire Dreyfus, quand il dit par exemple que le général Mercier a agi par faiblesse d'esprit, que le général Billot a voulu sauver l'état-major de l'armée, que le général Boisdreyf a agi par passion cléricale, etc., etc. Zola cherche toujours à expliquer, et même dans ce grand texte politique. Oui, ben, l'affaire Dreyfus lui apparaît comme un dossier composé de pièces qu'il connaît, et la grande raison pour laquelle il se lance dans ce combat, qui sera le grand combat de la fin de son existence, c'est qu'il est absolument convaincu de l'innocence de Dreyfus, parce qu'il en connaît justement tous les éléments, enfin, qu'il mesure... C'est vraiment un homme de dossier. Voilà, la complexité du drame. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est donc la fin de J'accuse, la partie la plus célèbre, où Zola énumère tous les responsables de cette erreur judiciaire qui s'est produite et en même temps où il montre que ce qui s'est produit, ce n'est pas simplement une erreur judiciaire, mais au fond, une sorte d'emballement, un crime d'État, pourrait-on presque dire, et qui fait que ceux qui savaient, ceux qui auraient pu arrêter les choses, ne l'ont pas fait. Et c'est pourquoi Zola évoque les ministres de la guerre successifs, et en même temps le rôle d'une presse nationaliste folle, aveugle, qui s'est lancée dans cette bataille contre Dreyfus. Alors comment se passe sa prise de conscience de ce que constitue finalement l'affaire Dreyfus en tant que scandale? Comment est-ce qu'il se rend compte que d'abord Dreyfus est innocent, et comment est-il sensibilisé et amené à prendre la parole de manière aussi virulente? Alors quelques mois plus tôt, J'accuse date donc de janvier 1898, c'est en novembre 1897 que Zola a vraiment conscience de cette injustice. L'affaire, elle, est plus ancienne. Vous savez que Dreyfus a été condamné en 1894. Au fond, donc, elle démarre à ce moment-là, à cet automne de l'année 1897, et celui qui lui apporte les pièces de ce dossier dont je parlais, c'est le vice-président du Sénat, il faut citer son nom, Scherer-Kestner, qui a été convaincu par l'avocat Leblois, qui lui a apporté des documents de Picard, l'ancien chef du service de contre-espionnage, montrant que, vraiment, le coupable, ce n'est pas Dreyfus, mais Esterhazy. Alors Zola est face à ces documents, on les lui montre, on lui montre notamment des lettres entre Gons et Picard, tout cela est très clair, mais il hésite. Hein. Il y a chez lui un grand moment d'hésitation, on s'adresse à lui parce que on souhaite qu'il intervienne en tant qu'écrivain, en tant que grande voix de la littérature. Mais pourquoi lui, plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que Scherer-Kestner pense d'abord à Zola? Ben parce qu'il est au fond l'un des grands survivants de la littérature. Les autres ont disparu, ne peuvent pas parler. Il a cette célébrité nationale et internationale. On s'adresse à lui. Enfin, Scherer-Kestner a pensé aussi à d'autres noms, mais ces noms sont moins connus aujourd'hui. Zola hésitera pendant quelques jours, et ce qui est beau, c'est que on connaît, grâce aux lettres qu'il écrit à sa femme Alexandrine, qui est alors en voyage en Italie, on connaît ces moments d'hésitation, et puis ce grand moment du basculement qui s'opère en novembre 1897. Qu'est-ce qu'il fait hésiter, pardonnez-moi? Ce qu'il fait hésiter, c'est la mesure du danger. Il est parfaitement conscient de la gravité de ce qui s'est passé. C'est pas simplement une erreur judiciaire. Il s'agit pas simplement de rétablir la vérité. Il voit très bien que l'appareil d'État entier est impliqué dans cette affaire. Il voit très bien que des ministres successifs veulent défendre leur carrière au fond. Il est parfaitement conscient du danger et c'est cela qu'il fait hésiter. Et puis il y a, il le dit à Alexandrine dans une belle lettre, ce coup de foudre, au fond, ce grand moment d'émotion qui l'emporte et qui fait qu'il écrit un premier article dans le Figaro, puis il y en aura un deuxième et une campagne qui se suivra ainsi. Oui, parce que le Figaro ne va pas suivre jusqu'au fameux Zola. J'accuse. Voilà, le Figaro publié toujours. Voilà, le suit d'abord avec courage, mais les abonnés du Figaro se désolidarisent de cette enquête qu'ils jugent scandaleuse parce que c'est une enquête contre l'armée et il doit quitter le Figaro. Il publie à ce moment-là deux lettres ouvertes qui sont des brochures que son éditeur Fasquelle publie. Et puis il y aura la grande lettre ouverte. Rappelons qu'elle est une lettre ouverte, le fameux J'accuse, lettre ouverte au président de la République qui paraît le 13 janvier 1898. Alors ce titre de J'accuse, Alain Pagès, il paraît aujourd'hui évident, mais en réalité ça n'était pas le titre auquel Zola avait pensé d'abord. Je crois que c'est Clémenceau qui lui a soufflé l'idée. Voilà, c'est Clémenceau qui est le directeur de la rédaction de l'Aurore qui a besoin d'une manchette éditoriale, hein, qui va couvrir les six colonnes de la première page de l'Aurore où paraît le J'accuse. Le titre initiale de Zola subsiste. Hein. Si vous regardez cette première page de l'Aurore, il y a même trois titres. Lettre à Monsieur le Président de la République, Félix Faure. Ce titre subsiste, mais c'est un surtitre, J'accuse, emprunté à la litanie finale des J'accuse, qui va couvrir la première page. Ce sont des caractères d'affiche et ce J'accuse qui est dans la nuit du 12 au 13 janvier, d'ailleurs placardé sur les rues de Paris, sur les murs des rues de Paris, ce J'accuse se lit comme une affiche. Qu'est-ce qu'on peut dire du texte lui-même? Alors, il faut d'abord dire que c'est un texte qui est assez long. Publié en livret, ça fait environ 16 pages. La pagination de l'Aurore, c'est toute la une, plus encore une page ou un morceau de page en page 2. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur le texte lui-même, Alain Pagès? C'est un récit. Je crois que Zola est le premier historien de l'affaire Dreyfus. On pourrait dire le premier romancier, parce que dans les deux cas, les termes peuvent s'assimiler. Il raconte d'abord l'affaire elle-même, l'affaire Dreyfus, puis l'affaire Esterhazy. Il énumère les acteurs, il les voit d'une façon extrêmement claire. Il voit ses officiers qui sont au cœur de cette affaire. Donc il la raconte vraiment d'une manière absolument méthodique et à la fin, il conclut par l'énoncé des responsables. Vous dites il la raconte, ça veut dire que c'est un texte qui est d'abord un texte littéraire avant d'être un texte journalistique, ça c'est évidemment pas le cas. On a parlé du naturalisme dans la première partie de cette émission et là c'est la preuve que c'est le style, que c'est la littérature qui l'emporte avec ce texte-là, chez Zola en tous les cas, à ce moment-là de son existence. Hein. Bien sûr, les effets littéraires font la force de J'accuse. On vient d'évoquer la conclusion, je pense qu'on peut aussi évoquer le début, cette adresse au président de la République, cette sorte d'implication personnelle que Zola met dans la façon dont il voit la situation, cet appel à la raison qui est celui que Zola lance. Et puis, il y a l'énoncé des faits, l'explication d'une enquête qui a été très mal conduite, et ensuite l'affaire Esterhazy, c'est-à-dire l'histoire du véritable coupable. Alors, Dreyfus a évidemment été très reconnaissant de ce texte. Je vous propose d'entendre une lettre que Dreyfus a donc écrite à Zola, lui-ci, par son neveu, pardonnez-moi, Jacques Kaiser. Cher maître, ma main tremble en vous écrivant, car ma plume est impuissante à rendre tout ce que je ressens, à vous dire toutes les paroles qui me montent du cœur aux lèvres. C'est en causant que je voudrais vous faire entendre toutes les chères émotions que j'ai éprouvées en vous lisant. D'abord, en parcourant votre première lettre, J'accuse. Cet acte héroïque que vous fîtes avec une telle tranquillité d'âme, avec une telle simplicité, et dont la grandeur demeurera incomparable, quand la poussière des combats sera tombée, quand l'histoire l'aura enregistrée. Et ce sera votre éternel honneur d'avoir su voir bien au-dessus de moi, d'avoir vu qu'au-dessus de la question personnelle, il y en avait une bien plus haute et plus noble, une question de justice et d'humanité. Alors la reconnaissance de Dreyfus à Zola, elle est d'autant plus grande que les conséquences ont été réelles pour Émile Zola qui a dû quitter à un moment donné la France. Oui, le texte qu'on vient d'entendre de Dreyfus est très beau. On voit qu'Alfred Dreyfus est le premier Dreyfusard aussi, c'est-à-dire qu'il comprend que le combat qui le concerne n'est pas simplement le combat pour un individu, mais aussi un combat pour la justice. Alors en effet, un procès suit en février 1898, 15 audiences terribles, mais où les événements de l'affaire sont exposés. Ce procès aboutit à la condamnation de Zola, à de la prison. Pour y échapper, il fuit en Angleterre en juillet 1898. Il y part dans une période qui est très difficile. Il y restera une année avec par moment, d'ailleurs, l'idée qu'il ne reverra jamais la France. Mm-hmm. Puis, finalement, les choses vont se transformer et la révision du procès d'Alfred Dreyfus aboutit à un jugement de la Cour de cassation qui finalement va permettre le second procès de Dreyfus pendant l'été de l'année 99. Quelles sont les raisons finalement de l'engagement de Zola ? Évidemment, il y a l'antisémitisme, la volonté de contrer cette ambiance délétère à l'époque en France, mais il y a tout de même un engagement qui dépasse sans doute cette question de la justice, parce que c'est une implication très très forte. Comment est-ce que vous comprenez qu'il se soit donné à ce point dans cette cause-là ? Qu'est-ce qu'il explique pour vous, Alain Pagès ? Peut-être toute sa carrière de polémiste, de journaliste, d'homme habitué à dire la vérité. N'oublions pas que la grande formule qu'il prononce dans l'un des articles du Figaro, « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera », il l'a déjà prononcée d'une certaine façon. Quand il défendait Manet auparavant, il pense à des injustices qu'il a connues, celles du jeune poète Després, romancier Després qui meurt après sa sortie de prison à la suite d'un procès littéraire. Et il y a chez lui aussi cette volonté d'établir un lien entre littérature et politique. Tout cela explique son engagement. Et puis, il faut quand même l'ajouter, la question de l'antisémitisme. En mai 1896, il a écrit dans le Figaro un magnifique article qui s'intitule « Pour les Juifs », où il dénonce cette folie, cette barbarie, dit-il, qui est le retour des guerres de religion, c'est-à-dire l'antisémitisme. Et parce que l'injustice, finalement, c'est tout le sujet aussi de son œuvre, et sans doute l'a-t-il ressenti personnellement au long de sa vie, probablement d'abord dans l'enfance. Bien sûr, c'est quelque chose de personnel qui s'exprime ainsi dans ce grand combat pour Dreyfus. Alors j'aimerais qu'on termine cette émission en disant un mot de la maison d'Émile Zola à Médan. Il y a une salle d'ailleurs dans cette maison consacrée à l'affaire Dreyfus. C'est une maison très étrange que vous devez connaître très bien, Alain Pagès. Comment a-t-elle été constituée au fil des années ? Parce que c'est une maison qu'il a quasiment bâtie lui-même, non pas de ses mains, mais en tous les cas qu'il a fait construire elle après elle au fur à mesure de ses succès et des succès de ses livres. Voilà, il achetait en 1878 une petite maison près de la Seine et il l'a progressivement agrandie. D'abord une grande tour carrée qu'on appelle la tour Nana aujourd'hui. Pourquoi ? Au sommet de laquelle se trouve le cabinet de travail, tout simplement parce qu'elle date de l'époque de Nana, de cette époque 79-80 où il écrit Nana. Et puis un peu plus tard, quand le succès continue, la tour Germinale. Donc voilà, les deux tours sont liées à l'œuvre. Donc il y en a une carrée et une ronde. Voilà, alors c'est bizarre parce que c'est une esthétique très étrange. Voilà, quand même. Et l'autre hexagonale. On peut considérer que cette maison est dissymétrique, mais c'est un peu son œuvre, c'est sa façon à lui d'occuper l'espace. Il y a aussi d'ailleurs une ferme un peu plus loin, il y a un pavillon pour les amis. Aujourd'hui, il faut le dire, cette maison a été magnifiquement restaurée grâce au mécénat de Pierre Berger. On pourra bientôt la visiter. Elle est fermée pour l'instant. Et elle sera constituée d'un ensemble double. D'une part, la maison de l'écrivain lui-même, parfaitement restaurée, digne d'accueillir des visiteurs. Et puis à côté, dans ce qu'on appelait le pavillon charpentier, un musée Dreyfus, c'est-à-dire un musée consacré au combat des intellectuels qui est celui dans lequel Zola s'est lancé en 1898. Alors sans aller jusqu'à la maison de Pierre Loti, qui est une maison très particulière parmi les maisons d'écrivains, il y a dans cette maison de Zola une espèce d'éclectisme de période. On trouve des objets venus un peu de partout et puis de toutes les périodes de l'histoire. Qu'est-ce que ça dit de Émile Zola, selon vous, Alain Pagès ? Oui, ça dit peut-être ce romantisme que Pierre Glaude évoquait à l'instant, c'est-à-dire un éclectisme, comme vous le dites, des meubles qu'il a achetés chez des antiquaires, le goût pour les vitraux. Il y a à la fois des vitraux médiévaux dans la salle à manger, et puis des vitraux art nouveau qui sont magnifiques dans la salle de billard. et qui constitue sans doute une œuvre d'art exceptionnelle. C'est cela, mes dents. Moi, j'insisterai peut-être sur le cabinet de travail d'une grande pièce carrée tout en haut de la tour Nana, qui ressemble par ses dimensions à un atelier d'artiste. Et c'est peut-être une façon de voir Zola, qui résumerait d'ailleurs les émissions qui viennent de se dérouler. Zola écrit dans un cabinet de travail qui est celui d'un atelier de peintre, au fond, avec de grandes baies vitrées ouvrant sur la scène. Il est là, derrière sa table de travail, tel un peintre, avec cette belle formule qui est sur la cheminée, nulla, dies, sine, linea, aucun jour sans écrire une ligne. Qu'est-ce qui le rend encore aujourd'hui cher à votre cœur, Alain Pagès, Émile Zola? Parce qu'à force de travailler, comme vous l'avez fait, comme d'ailleurs tous les invités de la semaine, pendant des années sur un même écrivain, on se dit que peut-être on perd ce qui au départ nous avait attiré vers lui. Aujourd'hui, quand vous relisez du Zola, qu'est-ce qui vous parle encore? Moi, je dirais que c'est d'une part le fait qu'il ne trahit pas, c'est-à-dire cette volonté de vérité ou de transparence, il l'exprime à la fois dans ses romans, bien sûr, mais aussi dans sa correspondance, qui est extrêmement émouvante, où l'on voit un homme qui construit constamment les amitiés, qui n'essaie pas de trahir. C'est cela, moi, qui me séduit chez Zola, juste ce alors. Pacte de vérité qu'il a tenu du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Alain Pagès. Alors pour aller plus loin, on peut se procurer votre livre intitulé « Le naturalisme » et publié au PUF en 2016. Beaucoup de livres de vous consacrés à Zola, mais citons par exemple « Zola et le groupe de Médan » chez Perrin, ou encore un petit livre sur le Paris de Zola, celui-là aux éditions Alexandrine. Cette émission a été rendue possible grâce à Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Stéphanie Vélin et Morgane Danan. Demain, vous retrouverez Manu Farine pour la Compagnie des Poètes. Il sera question de l'amitié poétique entre Jim Harrison et Gary Snyder. Et puis de la poésie, il y en a également tout de suite sur France Culture. C'est comme chaque jour avec les lectures commentées de Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Dans Inscription de Charles Reznikoff, poète objectiviste américain publiant vers 1940-1950, on trouve des fables, courtes mais poignantes, percutantes. On peut les relire plusieurs fois ou les reprendre au banjo. Fable. Il est fort agréable de marcher dans les bois, chantant en chœur et se racontant des blagues. Mais tôt ou tard, tu te retrouveras seul, le museau froid d'un ours te poussant dans le dos. Alors ne dis pas à ton ami qu'il a été un faux frère de s'être enfui, tu aurais pu t'enfuir toi aussi. Et tu es un imbécile de chercher autre chose que de chanter et plaisanter ensemble. Dans ce livre, Inscription de Charles Reznikoff, on trouve Kaddish. C'est le dernier poème du recueil Going to and Fro and Walking Up and Down, de long en large et de haut en bas, publié en 1941 par Reznikoff à New York. Et nous allons choisir, une autre traduction, celle parue aux éditions La Barque, dans la revue La Barque dans l'arbre. Une traduction par Nicolas Vantimella. L'émotion produite, dit-il, dégagée de tout pathos, n'en est que plus intense. Kaddish. Lors de sa dernière maladie, ma mère serra ma main dans la sienne. Pour la première fois, j'ai su comme sa main était calleuse et comme la mienne était douce. Jour après jour, tu vomis la sève verte de ta vie et, essuyant tes lèvres avec un mouchoir, me souris. Et je souris en retour. Mais parfois, alors que je parle calmement à d'autres, je me rends compte que j'ai soupiré, sans raison. Je te rends visite et quand le peu que nous avons à dire est dit, va qu'à mes occupations et mes plaisirs. Mais tu gis depuis des semaines dans ton lit. Le soleil se lève, les nuages ont disparu, le ciel est bleu. Les étoiles montent dans le ciel, la lune brille, et le soleil brille à nouveau pour moi. Mais tu es en train de mourir, d'essuyer les larmes dans tes yeux, secrètement, afin que je puisse vaquer à mes occupations et mes plaisirs, pendant que le soleil brille et que les étoiles montent dans le ciel. Plus loin encore, ses lourdes tresses, les longs cheveux dont elle avait été fière, coupés, le fard de l'employé des pompes funèbres, sur ses joues et ses lèvres, et son salut enjoué, réduit au silence. Ma mère se penchait sur moi, comme quand j'étais enfant. Que venait-elle me dire depuis la tombe? Impuissant, je la regardais angoissée, levais la main pour caresser sa joue, la touchais et me réveillais. Nous avons regardé la lumière brûler lentement devant ta photo et détourné le regard. Nous pensions à toi en parlant, mais ne pouvions nous résoudre à parler. À des étrangers qui s'en fichent, oui, mais pas entre nous. Charles Reznikov dans l'objectif du poème. Dernière lecture que vous avez consacrée au poète depuis lundi, Jacques Bonafé. Merci.